Pas ce bête homme alors. N'a qu'à la comme ma vie, l'os. Ma toi à fort, le diam. Oh, gaïli, aïe, gaïli, aïe. Oh, t'as qu'à la gaïli, aïe. Mon soquet, il est bon. Mon sofia, il est bon. Mon sofia, il est bon. Oh, gaïli, aïe, gaïli, aïe. Oh, t'as qu'à la gaïli, aïe. Alors, les commassés. Alors, les macoïs. Mueve la suave, se me manes a más bajo, mueve la suave, mueve. sorry.